venir de déplacer à Laval pour nous expliquer ce qui se passe dans le cas des succès ou échecs non désirés ou désirés, mais qui, à un moment donné, nous tombent d'entre les mains. Avant d'établir qu'est-ce que c'est un succès ou un échec, j'aimerais qu'on, pendant la soirée, qu'on discute pas nécessairement du succès ou échec au niveau du travail, mais aussi de la vie en général. David Coupe, on peut aussi avoir des insuccès ou des succès dans notre mariage ou avec nos enfants, etc. Donc, je pense que ça s'applique à toutes les... Souvent, hélas, on a plus de succès sans le mariage. Ben, souvent. C'est marié, toi? Oui. Si c'était pas un succès ou un insuccès, on se demande qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Est-ce que la psychologie peut expliquer tout ce qui nous arrive quand on a des problèmes? Bon, on parle de succès, on parle d'intelligence, on peut parler aussi d'intelligence supramentale, vu que c'est le sujet de la soirée. L'être humain, évidemment, recherche le succès. C'est une grande partie de sa vie, une grande partie de son travail d'humain, son travail d'évolution, son travail même au niveau de la théologie, de la spiritualité, le travail des affaires, le travail social, c'est d'arriver à un succès. Il y a différentes formes de succès. Le premier succès est celui d'être supérieur aux autres. C'est une forme de succès. Ça nécessite d'être bon ou ça nécessite que les autres le soient moins. C'est une forme de succès que beaucoup de gens recherchent. L'autre succès, c'est celui d'aboutir à travers l'intelligence qu'on a chez nous, qu'on a chez soi et que l'on veut exprimer. C'est-à-dire que si tu vis une vie de couple, tu ne veux pas nécessairement avoir un succès en ce sens que tu veux avoir plus d'enfants que les voisins, plus de chicanes ou moins de chicanes que les voisins. Tu veux avoir un succès par l'intelligence, c'est-à-dire que tu aimerais vivre une vie de couple qui te permette de te construire, qui te permette de poursuivre ton cheminement éducatif qui a commencé dès l'enfance avec une personne, un homme ou une femme, peut-être des enfants, et poursuivre une vie qui serait extrêmement fructifiante sur tous tes points de vue. C'est une forme de succès. Il y a celui qui veut un succès en affaires et qui veut simplement battre ses concurrents, soit en vendant plus, en baissant les prix, mais s'il baisse les prix, il faudra qu'il vende peut-être un peu de moins bonne qualité. Il y en a d'autres qui veulent un succès en démolissant la concurrence, c'est-à-dire soit par piratage industriel, soit simplement par publicité ou par bombe, comme on peut voir dans certaines chaînes de restaurants de crème glacée. Et il y a celui qui veut un succès en ce sens que simplement ce qui le fait vibrer en tant qu'être humain, il aimerait que cela soit exprimé à l'extérieur, ce n'est pas important pour lui qu'il soit le premier. Ce qui est important pour lui, c'est que ce qu'il conçoit, ce qu'il peut faire, il puisse le voir aboutir à sa pleine capacité. Alors, on a un succès au niveau des sports, un succès au niveau de la vie, on a un succès, on peut en rencontrer un peu partout du point de vue de l'objectif que se fixe l'humain. Maintenant, les êtres humains qui atteignent un succès, ça c'est plus rare que les idées de succès. Les êtres humains se succèdent dans la recherche du succès. Mais les êtres humains se succèdent rarement dans le succès. Il y a des personnes qui sont la cible motivante de la majorité des individus. Soit du point de vue d'un artiste, on appelle cela une idole. Soit du point de vue d'une personne en affaires, on appelle cela aussi une personne qui réussit. Il y a des êtres humains en affaires qui, apparemment, tout ce qu'ils touchent semble se mettre à fonctionner. Il y en a d'autres qui, s'ils touchent à quelque chose, ça semble s'en aller. Ça se défonce. Ça ne marche pas. Alors, il y a plusieurs façons de courir après le succès. Et les individus qui ont le succès, comme ils aimeraient avoir le succès, il n'y en a pas. S'il y en a, ils sont jeunes. Jeunes comme quoi? Ils vont vivre un peu plus, puis ils vont perdre un peu des illusions. C'est évident que celui qui se lance en affaires, qui commence, le vendeur d'automobile, qui veut vendre sa première automobile, quand il la vend, c'est le succès. S'il en vend une par année, le succès va être étiré sur l'année. Mmh. Et un succès étiré, comme ça... Il devient un échec. Ça devient intéressant. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui, eux, ont un succès, comme tu disais tantôt, qui touchent à quelque chose, ça se transforme en or ou ça réussit? Pourquoi, à un certain moment donné, ça cesse, ces choses-là? Il y a deux questions qu'on peut se poser. La première, c'est, est-ce qu'il y a des gens qui sont destinés au succès? Est-ce que c'est grâce à leur capacité d'énergification, d'énergisation, de motivation, leur capacité de déléguer, de s'entourer de bonnes personnes, leur capacité de viser juste lorsque c'est le temps de viser? Ou si c'est parce que ce qu'ils ont touché est quelque chose qui devra réussir? Ça veut dire que ce soit lui ou pas lui, ça a réussi quand même, si voilà. C'est que habituellement, quand on parle du succès, quand on parle de la vie avec une amélioration de la condition humaine, de la condition de travail, condition du résultat, on met beaucoup de choses sur l'individu. Alors, on va motiver les gens. On va leur donner des cours pour leur permettre de comprendre la psychologie. On va leur donner de la formation. Mais il se trouve aussi que l'individu qui va acquérir un cours de psychologie, prenons l'exemple d'un vendeur ou l'exemple simplement d'un père ou d'une mère par rapport à ses enfants ou d'un pédagogue, Il acquiert de la psychologie et son information, est-ce que ça va l'amener à vendre mieux ce qu'il vend ou si ça ne va pas l'amener à vendre autre chose que ce qu'il vend? Alors, le parent veut éduquer et comprenant la psychologie de l'enfant, soit de l'enfant Teflon, l'enfant sur qui rien ne colle, ou de l'enfant conventionnel, l'enfant Velcro, tout colle là-dessus, comprenant la psychologie, il va peut-être cesser de vouloir lui vendre comme éducation ce qu'il lui voulait lui vendre, il va peut-être commencer à lui vendre d'autres choses. Alors, il y a effectivement deux mécanismes. Il y a le mécanisme, disons, Lafleur, le mécanisme Guy Lafleur, celui qui est toujours là où la rondelle va aller. Il n'y a pas besoin d'être bon. La rondelle, elle va là, puis lui, il lance, puis ça rentre. Et puis, à un moment donné, eh bien, la rondelle ne va plus où il est. Ou bien, il n'est plus où la rondelle est. Il lance et le gardien est là. Alors qu'avant, il lançait et le gardien n'était pas là. Mais on va dire, dans des exemples comme ça, qu'il vieillit, tout simplement, puis qu'il n'est plus en forme. Ou... Et dans d'autres mécanismes, on va dire, c'est l'expérience qui compte. Alors, s'il vieillit, il est plus expérimenté. S'il a plus d'expérience, il devient moins bon. Qu'est-ce qui explique ça si c'est pas la psychologie? Ou bien, il y a des temps pour certaines choses, et il y a des temps pour autre chose, ou bien c'est l'humain qui change, l'humain qui contrôlait, qui à un moment donné perd la faculté de contrôler. Est-ce qu'il contrôlait l'événement, ou est-ce qu'il se contrôlait dans l'événement? C'est une bonne question. Habituellement, lorsque l'on fait référence à la psychologie contemporaine ou à la psychologie nouvelle de premier degré, disons la psychologie nouvelle qui a commencé il y a 30 ans, où on parle de motivation, où on parle de la puissance du conscient, où on parle de la faculté que l'homme et la femme et l'enfant de diriger sa vie, de projeter des conditions événementielles en avant pour obliger l'événement à s'assujettir à ses désirs, eh bien, on peut dire que c'est l'individu qui a changé. La problématique, et je l'ai déjà dit il y a quelques années, c'est que dans n'importe quel désir humain, que tu projettes, que tu manipules l'événement dans l'avenir, que tu te fasses tirer aux cartes ou à la boule de cristal ou aux astres, que tu sois... médium, que tu sois prophète, que tu sois quoi que ce soit, que tu pries le bon Dieu ou le mauvais Dieu, il y a toujours le paysan qui demande de la pluie, le voyageur qui demande du beau temps, puis les événements ne savent pas. Alors, il y a celui qui décide de se lancer, bon, Guy Lafleur, prenons l'exemple encore d'un joueur de hockey, eh bien, s'il a la faculté de contrôler l'événement, cela implique nécessairement qu'il devra contrôler tous ses joueurs de son équipe, son entraîneur, tous les joueurs de l'équipe adverse, et probablement aussi le public. Et évidemment, la matière inerte, la rondelle, le hockey, la glace, parce qu'il y en a un qui prend un virage, il glisse, il y avait un peu trop d'eau, il y avait un papier de gomme à marcher, il y avait un trou. De contrôler les arbitres aussi, parce que les arbitres, de temps en temps, ils bloquent la rondelle. Alors, si Guy Lafleur veut jouer à sa manière, l'arbitre doit faire rebondir la rondelle sur son hockey, ou il doit la laisser passer quand il en a besoin, ou etc. Il doit tomber au bon moment, puis se relever. Tout doit être parfait. Et à un moment donné, ce n'est plus lui, c'est un autre qui devient le héros. Mais cette façon de voir les choses est extrêmement plaisante pour celui qui présentement a le succès. Si tu as le succès, et je te dis que si tu as le succès, c'est parce que consciemment ou inconsciemment, tu contrôles tout l'événement, c'est plaisant. Mais à un moment donné, tu perds le succès. Et là, je vais te dire, si tu contrôlais, si tu ne contrôles plus, grouille. Mais celui qui contrôle, celui qui a le succès et qui à un moment donné se le voit retirer des mains, a beau grouiller. Il a beau appliquer les mêmes choses. Il a l'expérience, pourtant. Et bien souvent, ça ne fonctionne pas, sauf s'il repart à zéro. Ou, le zéro peut être un peu plus haut que le zéro mathématique, il doit changer de cap. Totalement. Et pourquoi? Puisque l'expérience qu'il a acquise devrait lui servir à ce moment-là, après quelques années. Alors, pourquoi il y a deux, changer de cap? Oui, il y a deux façons donc de voir les choses. Il y a celle des autres, il y a la mienne. Évidemment, on choisit. Il y a celle où c'est l'être humain qui contrôle la situation. Mais c'est faux. Et il y a celle où c'est la situation qui contrôle l'humain. C'est plus vrai. C'est-à-dire que quand les gens ont goût de hot dog, si tu vends du hot dog, tu vas vendre du hot dog. Par contre, il y aura des gens qui vont s'ouvrir un commerce de hot dog, les gens ont besoin de hot dog, mais les gens ne prendront pas ces hot dogs à lui. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas ces hot dogs à lui. Les gens regardent le nom et le nom leur traverse la tête sans que ça soit mémorisé. Et ils ne perçoivent pas consciemment le stimuli gastrique de la faim lorsqu'ils passent devant son magasin de hot-dog. Trois poils plus loin, ah, le matin, ils le perçoivent. Ils voient l'autre magasin du concurrent, puis ils vont rentrer chez lui. Alors, il y a toute une mécanique du succès qui est reliée, premièrement, à ce que j'appelle souvent l'animal humain, celui qui est extrêmement collectif, celui qui vit d'une façon grégaire, celui qui ne peut pas s'habiller autrement que selon ce que les autres vont penser de lui, celui qui aime une forme de musique parce que c'est la mode, et quand la mode change, bien, la musique est plus belle, il aime un autre aussi, Celui qui gueule et qui crie quand il se met à pleuvoir, pensant que ça va changer quelque chose. Bon, l'animal humain. Celui qui vit par sécrétion endocrinienne, celui dont le cœur s'accélère parce que la couleur ne lui plaît pas, celui qui se met à transpirer parce qu'il faut qu'il rencontre quelqu'un. Bon, ça. Et il y a le succès régi par une mécanique qui dirige l'être humain, ou du moins l'humain. Qu'est-ce que l'être humain a de plus que l'animal humain? L'être humain, il est conscient qu'il est conscient. Il sait qu'il sait. Mais il sait qu'il sait plus que l'humain en général, l'animal humain, qui, lui, bien souvent, n'a pas la conscience de ce qu'il sait ou de ce qu'il connaît. Alors, il apprend des choses et il ne s'en sert pas. Il peut apprendre toute sa vie et 1 à 10% de tout ce qu'il va acquérir du point de vue de la connaissance peut lui être utile si ça finit par être programmé. Habituellement, l'animal humain n'applique pas consciemment ce qu'il apprend. On peut prendre l'exemple d'un guerrier Mujahidin qui, par exemple, va se jeter à terre quand il entend tirer, qui va se rouler au bon moment, mais il n'a pas conscience de ce qu'il fait. S'il a conscience de ce qu'il fait, il risque d'avoir extrêmement peur. Il aura conscience de l'événement. J'ai voyagé dans des pays sous-développés, on peut rencontrer énormément d'êtres humains qui ne souffrent pas. Mais ils n'ont pas la conscience de la conscience. Quand on commence à avoir la conscience de la conscience, on commence à avoir peur. Peur de demain. Peur d'aujourd'hui, peur de perdre sa femme, de son mari, peur de perdre ses enfants, peur de perdre son emploi, peur de perdre son Dieu, peur de perdre. Peur, tout court. Et cette évolution dans la conscience de l'homme l'entraîne à un moment donné à, étant donné qu'il a conscience de la peur de perdre, à vouloir orchestrer l'avenir, l'événement, pour qu'il ne perde pas. Et étant donné que son insécurité va grandissante, il va vouloir orchestrer aussi, non seulement pour ne pas perdre, mais pour acquérir plus, au cas. Pas de l'éternel. Et la problématique, c'est que quand tu as 5 $ tu le perds, tu n'as plus rien. Quand tu as 500 000 et que tu le perds, tu n'as plus rien. Celui qui perd 5 $ il ne trouve plus, il n'en voit pas tellement le problème. Celui qui perd 500 000, il peut peut-être se suicider. Les deux ont tout perdu, les deux ont rien. La différence de potentiel induit dans la psychologie de l'humain quelque chose de bien différent. Alors, il y a des succès qui sont attribuables simplement à la mécanique mathématique qui fait qu'à travers 50 000 individus qui voudront se lancer dans le commerce du hot-dog, eh bien, il y en a 4 qui devront marcher. Il y en a 25 000 qui devront marcher un peu, et le reste, ils devront les manger s'ils veulent arriver à vivre. Tu veux dire que c'est établi de façon mécanique? Oui. Qu'est-ce que tu entends par de façon mécanique? La psychologie de l'homme, la psychologie de l'événement aussi, parce que l'événement est psychologisable. La psychologie de l'homme est un facteur qui fonctionne en fonction d'un paquet de paramètres. On pourra y revenir, je vais juste aller toucher un peu le succès de l'être humain, comment il est paramétré, parce qu'on peut prendre 20 minutes à expliquer le paramètre même de la psychologie qui fait qu'un événement ou un être humain ou une collectivité d'êtres humains, une collectivité d'êtres humains, ça crée un événement. Événement social. Mais ça crée un événement, donc l'événement psychologisable du point de vue de l'humain. Et on va y revenir. Alors, il y a une mécanique qui va faire que si on se lance tous dans le marché du meuble, il y en a qui vont réussir, il y a un pourcentage. Et il y a un pourcentage d'échecs. Et toi, tu vas être dans quel des pourcents? Il n'y a rien à faire, il y a un pourcentage. Il n'y a pas un pourcentage de 100% de réussite, il y a un pourcentage d'échecs. Et là, on va dire, oui, mais c'est parce que ceux qui ont fait échec ont eu ceci, cela ou cela. Faire attention. Quand à un moment donné, des compagnies ont lancé un savon, ça a fonctionné. Quand la clientèle a commencé à moins se servir du savon, eh bien, ils ont coloré les cristaux du savon et puis ils ont lancé le nouveau savon formule améliorée. Et ça l'a fait fureur. Quand Coke a décidé de lancer le Coke classique, c'est cassé la gueule. Pourtant, on va dire, oui, mais ils n'ont pas eu la bonne idée, c'est ça. C'est quoi une bonne idée? Une bonne idée, c'est une idée qui prouve que l'événement est d'accord avec. Mais l'humain a des bonnes idées, mais les idées peuvent ne pas marcher. C'est pas l'humain qui décide si c'est une idée bonne ou pas bonne. Ça donne que ça marche. Ah, c'est une bonne idée. Ça donne que ça ne marche pas, c'est une mauvaise idée. C'est simple. L'intelligence supramentale, on va évidemment définir ce que c'est. Et il y a une problématique dans le succès, c'est que plus l'être humain développe sa faculté d'avoir conscience qu'il a conscience. Donc, plus l'être humain développe sa faculté de souffrance, développe sa faculté d'inquiétude, sa faculté de désir, plus l'être humain, en termes conventionnels, évolue, du point de vue de sa psychologie, ou du point de vue du plan spirituel, c'est comme il voudra, et plus l'être humain évolue, plus l'être humain se conscientise, plus l'être humain devient assujetti à des lois du succès qui ne sont pas les lois du succès qu'on a toujours connues sur le plan planétaire. C'est-à-dire que l'être humain commence à être assujetti à des lois du succès qui ne sont pas les lois de la masse, à des lois du succès qui ne sont pas les lois de la mathématique que je viens juste de parler en ce qui regarde l'animal humain. Alors, il y a celui qui est assujetti de la conscience et qui ouvre un magasin de hot-dog et ça ne marche pas. Pourtant, lui, il a décidé de mettre de la bonne viande, de vendre de la bonne saucisse, de laisser le choix entre le pain brun, le pain ceci, le pain cela, d'offrir un service très huppé à sa clientèle. Il vend, hélas, il vend de l'intelligence dans ses hot-dogs. Et il y a de fortes chances qu'il fasse faillite. Parce que les acheteurs ne sont pas prêts? Pour un paquet de raisons. On y reviendra. Je te pose la question plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, par exemple, celui qui décide de lancer une revue. Une revue pour parler de la stupidité de polluer. Une revue pour parler de l'intelligence de préparer ses enfants à gérer l'argent. Une revue qui veut lancer de l'intelligence. On a, par exemple, des revues en affaires, L'Argent et vous, Commerce, il y a plusieurs journaux, revues. Mais à l'intérieur de ces revues-là, on ne vend pas de l'intelligence. C'est intelligent. Mais ou bien les individus qui contrôlent ce genre de commerce sont connaissants inconsciemment ou consciemment des lois du succès lorsqu'on devient conscient, donc de l'intelligence supramentale et du succès, ou bien ils ne sont pas assez conscients, donc ils ne sont pas soumis à évoluer plus rapidement à travers leurs échecs. Pas tout de suite. Alors, il y a celui qui veut partir cette revue et qui commence à mettre des textes qui sont intelligents, des « ça va de soi ». C'est tous ces articles, c'est évident, pas faire faillite. Ou bien il devra la vendre suffisamment cher pour que les rares personnages assujettis à l'intelligence supramentale reliée au phénomène du succès l'achètent. Parce que sa clientèle sera extrêmement restreinte. Et la problématique, c'est que la majorité des individus qui se conscientisent, qui développent leur faculté d'avoir conscience de leur conscience, deviennent ce que j'appelle souvent des MTS, des martyrs de la transition supramentale. C'est-à-dire qu'ils finissent par avoir une arrogance de conscience qui n'est pas négative, mais qui est problématique, une arrogance de conscience qui va faire en sorte qu'ils vont refuser le contact ou l'aide avec tous ceux qui semblent parler de la même conscience qu'eux. Autrement dit, on a un jeune ou une personne qui, à un moment donné, découvre. Elle finit par avoir une harmonisation dans sa relation avec ses enfants, exemple de parents. Et ça commence à marcher. À un moment donné, on va écrire un livre sur la pédagogie ou la façon de pédagogiser la relation parent-enfant. Ça ne l'effraie pas. Elle est rendue dans la phase où elle a une conscience de sa conscience telle qu'elle est capable maintenant de s'ajuster sans suivre de cours. Elle a accès maintenant à un savoir qui n'est pas expérientiel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'expérimenter la problématique pour engendrer la solution. Elle a maintenant la capacité de solutionner le problème à sa naissance. Donc, elle n'a pas psychologiquement à expérimenter le problème pour pouvoir appliquer la solution. C'est-à-dire qu'elle trouve la réponse avant même que la question arrive? En même temps que la question arrive. En même temps. Sauf que vu qu'elle répond avant qu'on pose la question, ça semble être un solutionnement avant. Maintenant, ce personnage, cette personne, elle risque donc fortement de développer cette arrogance de la conscience où tu es convaincu à un certain moment donné que tu n'as plus besoin ou que tu es supérieur aux autres. C'est le snobisme de l'évolution. Ça existe en affaires. Ça existe en pédagogie, ça existe dans la vie sociale, dans la vie sportive, ça existe dans toutes les facettes de la vie de l'homme, de la femme, de l'enfant. Celui qui, ou celle, qui de plus en plus développe sa conscience d'être. Qu'est-ce que c'est que sa conscience d'être? La conscience d'être, c'est la conscience de la mécanique qui fait qu'une structure d'affaires a fonctionné. Conscience d'être. C'est la conscience d'être. J'ai fait ceci, cela, cela, et ça l'a donné ceci, cela, cela, cela, cela. Un tel a réagi parce qu'il y a eu ceci, donc il vibrait cela. Si tu rencontres un individu, tu le regardes trop dans les yeux, tu l'affaiblis, il risque d'avoir peur ou ne pas se sentir à la hauteur de ton produit, donc il ne l'achète pas. Alors tu commences à comprendre l'humain dans ton succès. C'est évident que si tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires à la tête d'une immense entreprise et que ce sont tes subalternes ou des compagnies publicitaires ou autres qui s'occupent des choses, eux vont apprendre à connaître l'humain, pas toi. Mais ton succès est entre les mains de ceux qui sont en bas. Parce que si eux se conscientisent trop, ils risquent de manquer leur cible. Leur cible de succès dans tous les domaines, quelle que soit la vie. Et là, évidemment, la personne qui est en haut, qui fonctionne à partir de l'archétype du succès normal, la mécanique, peut perdre. Il devra éliminer ces gens-là et ramasser des gens qui se conscientisent moins. C'est ces gens-là, en réalité, qui tirent le tapis, qui font que le bonhomme d'en haut tombe sans que lui ait rien fait de mal. Oui. Alors, il y a donc, dans l'intelligence supramentale et le succès, il y a une problématique assez majeure, c'est qu'il y a des êtres humains qui se conscientisent, qui finissent par, quel que soit leur âge, comprendre, poser des questions neuves. Des questions neuves, pas juste dans la phraséologie, mais dans l'énergie de la question. La question neuve qui veut dire, qui fait dire à un homme d'affaires ou une femme d'affaires, par exemple, que peut-être que ses employés ont besoin d'un support psychologique pour arriver à être plus opérationnel. Peut-être qu'on devrait de temps en temps s'occuper de toute la famille du personnel, une ou deux fois par année, de façon à ce que ces gens-là, de façon à ce que la femme se sente heureuse, que le bonhomme ou que le bonhomme se sente heureux, que la bonne femme travaille dans la compagnie. Parce qu'à la maison, il y a un minage psychologique qui peut se faire, et si on fait plaisir à la famille, eh bien, la compagnie risque de bien marcher. Quand un être humain commence à poser ces questions-là, c'est plus un animal. Il ne sait peut-être pas encore dans quoi il s'en va. Mais il commence à avoir une conscience plus planétaire, une conscience plus d'envergure, une conscience pas juste des chiffres ou du papier ou de la mécanique ou de la coloration ou de la cravate de son employé, mais une conscience qui maintenant implique le fait que la vie psychologique à travers la famille et l'événement familial, donc l'employé et son contexte, peut être déterminant dans la psychologie du succès de l'entreprise. Là, on va dire, oui, mais c'est juste parce qu'il veut mieux réussir, parce qu'il veut gagner plus haut. Ça, c'est ce que la psychologie animale chez lui peut lui faire penser. Mais dans la réalité des choses, ce n'est pas l'animal qui prend conscience de ça. C'est quelque chose d'autre dans l'humain, ce qu'on va appeler l'intelligence supramentale. Et évidemment, il a maintenant cette solution, il veut l'appliquer, et ça marche. Alors, lentement, l'animal peut reprendre le dessus et le planter, faire en sorte que la conscientisation qui commençait à s'établir chez lui se refroidisse un peu le temps que le succès marche. Et chaque fois que son entreprise, chaque fois que sa vie familiale, chaque fois que son couple, chaque fois que sa santé, parce que c'est le point au niveau des affaires, au niveau de toute la vie, chaque fois que ça commence à dépérir, hop, l'être humain commence à être libéré par l'animal. Ou l'homme nouveau, la femme nouvelle est libérée par l'homme ancien, la femme ancienne. Là, maintenant, il y a un problème, et on a expérimenté dans notre psychologie qu'on était capable de s'assujettir à un succès par l'intelligentiation des choses, ou simplement par le laisser libre d'une forme d'intuition nouvelle pour soi. Et parce que ça commence à mal marcher, eh bien, au lieu de paniquer, au lieu de crier, de donner des bêtises à tout le monde, d'engager deux, trois motivologues, ben, on s'assoit et puis on attend. Et puis, ben, on parle à quelqu'un qui peut s'asseoir et attendre. Et à un moment donné, eh bien, il y a une autre probabilité de solution qui apparaît. Mais pour appliquer une solution, on doit implicitement connaître l'humain. Qu'est-ce que c'est l'humain? Entre l'humain et l'animal humain, est-ce qu'on choisit d'être un ou l'autre? Ou est-ce que c'est un mauvais sort ou une qualité, un défaut? L'animal humain, c'est tout ce qui, dans sa psychologie, dans la psychologie de l'homme et de la femme et de l'enfant, est limité par son corps physique. Un exemple. Tu as on a la conférence ici. Et puis, à un moment donné, eh bien, il y a un homme et une femme qui, dans la psychologie archétypale, est esthétiquement bien conçu, qui rentre tout nu dans la salle. Eh bien, l'animal humain dans le public ici va réagir. C'est l'animal humain. L'animal humain peut faire en sorte, qu'est-ce que c'est l'animal humain? C'est lorsqu'une personne qui a faim devient plus colérique. Son corps physique limite sa conscience. C'est le corps physique qui est régi. Sexuellement, endocrinalement, cardiaquement, psychologiquement, c'est-à-dire neuroniquement. Il y a un paquet de facteurs du point de vue du corps physique, c'est bien simple. Tu prends de l'alcool et la conscience de l'humain est totalement partie. L'humain qui est exprimé par le corps physique alcoolisé n'est pas celui qui est exprimé par un corps physique reposé et en santé. Donc, il y a un facteur qui est extrêmement limitatif chez l'humain et la fatigue en est un. Il y a donc toujours une partie qui fait en sorte que l'homme, la femme, donc l'humain, peut agir facilement comme un animal, et évidemment, il n'agira pas comme un chien. Il va agir comme un homme des cavernes, une femme des cavernes. Il va agir comme l'humain, très, très, très animal, seul arrive à le faire. Quand on dit les bas instincts animaux, c'est plus précis de dire les bas instincts animaux humains, parce que finalement, il n'y a pas un animal sur la planète qui va faire à sa femme ou à sa concubine ou etc. ce qu'un homme ou une femme peut faire à l'autre. L'homme, disons, l'animal humain, est beaucoup plus terrible que l'animal tout court. Mais l'animal humain, c'est la partie chez l'humain qui l'oblige continuellement à être assujetti à tout l'événement, alors qu'il l'oblige à être colérique, à être fatigué, à ne pas être capable de se coucher quand c'est le temps, à ne pas manger aux heures régulières, à trop fumer, trop prendre de médicaments, à chialer pour rien, à se prétendre supérieur à autrui, à ne pas comprendre que si quelqu'un ne comprend pas, c'est parce qu'il n'est pas bossé pour comprendre. Ça n'a rien de crier dessus, de taper dedans, ou de baisser en salaire, ou de mettre dehors, il ne comprendra pas plus. Qui permet, par exemple, à une personne de dire de chicaner son enfant ou de mettre un employé à la porte sans sécrétion endocrinienne. Ça, c'est un être humain. Ça ne va pas, alors je le chicane, il a beau crier, il a beau gueuler, ça ne me dérange pas. Ça, c'est l'être humain. Mais tu viens pour chicaner, puis tu regardes avec des beaux yeux doux, puis tu peux pas. Ça, c'est l'animal humain qui prend le dessus, encore une fois. Alors, il y a plusieurs phénomènes sur lesquels on pourra revenir à un moment donné. L'intelligence supramentale et le succès, c'est qu'il y a la grosse problématique, c'est qu'il y a de plus en plus dans la conscience des Québécois, entre autres, évidemment, ça a commencé au niveau d'échelle planétaire, dans certaines régions du pays, il y a plusieurs milliers d'années dans le côté, au niveau de l'hémisphère sud. Ça a lentement migré vers l'hémisphère nord, ça a migré vers les contextes extrêmement nord de notre planète, et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Inde n'est plus tellement progressiste. La Palestine, enfin, si on regarde tout ce qui existait dans l'Antiquité d'Égypte, l'Amérique du Sud avec les Mayas, toute l'hémisphère sud complet n'est plus tellement progressiste. Il y a l'Australie qui est une exception parce qu'elle est habitée non pas par les autochtones de la place qui ne sont pas progressistes, mais habitée par ce qui a été envoyé de l'Angleterre, de la France, d'un pays, le paquet de pays qui à l'époque était soit méridial, soit nordique. Et aujourd'hui, on en est rendu qu'une évolution réellement progressiste à l'échelle des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Union soviétique, une partie de l'Europe. Et puis, il ne faut pas qu'on descende trop dans le sud pour oublier que les Japon font partie du nord, évidemment. Et lorsqu'il y a conscientisation, évolution dans la conscience de l'humain, et ça se fait d'une façon individuelle, non pas collective, même si ça devient collectif en ce sens que de plus en plus d'individus y ont accès, il y a à un moment donné une problématique dans le succès, c'est que si tu deviens trop conscient, tu ne seras plus régi par ta souffrance égoïque, tes désirs égaux, tes désirs astraux, tes désirs psychologiques. Alors à un moment donné, tout allait bien, tout était extraordinaire, tu avais du succès, soit en amour, on aurait du succès en amour, remarque bien, mais tu entends ta relation de couple, on peut avoir du succès là-dedans. En amour, c'est une vraie farce. On a du succès dans la relation de couple, on a du succès en affaires, du succès dans les sports, du succès dans le travail, du succès dans sa santé, du succès dans son succès. C'est important. Et à un moment donné, ça s'en va, ça s'estompe. La problématique qu'il y a, c'est que quand tout va bien, il faut que ça aille mal. Ça, c'est un facteur qui est extrêmement présent dans le succès. Pourquoi il faut que ça aille mal? Ça va bien, ça pourrait continuer d'aller bien? Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi? Celui qui se conscientise et que se rend compte que tout ce qu'il a établi ou tout ce à quoi il s'est attaché va bien, à un moment donné, il bloque sa conscientisation. On n'y échappe pas. Et il y a un facteur qui est extrêmement déterminant et important dans la conscientisation de l'évolution de l'homme, c'est que l'homme, la femme, évidemment, quand je parle de l'homme, je parle en français, donc je parle de la généralité, c'est que l'homme, quel qu'il soit, est continuellement poussé à répondre ou à chercher des réponses à de vieilles questions. Il est continuellement poussé à sécuriser sa vie. Et s'il a la sécurité, il sera continuellement poussé à poser de nouvelles questions ou de questions neuves. Des questions qu'il n'a jamais entendues ou même des questions qui n'ont jamais été posées par l'humain. Et ça, c'est un facteur qui est progressif, qui est en croissance et qui de plus en plus se développe dans la région canadienne qu'on appelle le Québec. De son environnement, c'est-à-dire dans l'amélioration de l'esthétique de son environnement. Et il est tanné d'avoir les vieilles maisons avec les grands corridors extrêmement minces qui ressemblent à des roulottes, puis bon, des salons doubles comme chambre. À un moment donné, il veut de nouvelles maisons. Si on regarde l'architecture, on a beau la prendre aux États-Unis. Tu peux importer une architecture américaine puis la vendre aux Canadiens ou aux Québécois, puis on ne l'achètera pas. À un moment donné, la psychologie des humains avait besoin de plus d'espace. Alors que, là, pas tellement longtemps, on avait encore les toits sur les lits. Et quand on dormait, on voulait de la sécurité. Pas d'espace. Des petits corridors, des grands garde-robes, des petites pièces. Là, on est rendu avec les toits cathédrales. On est rendu avec les grandes cuisines. On est rendu avec les grands salons. On est rendu avec les aires ouvertes. On a besoin. Alors, il y a nécessairement une mutation dans la conscience de l'humain. Même l'employé aura besoin de plus d'espace, d'un plafond qui commence à monter, de plus de prestige. Et cela va avec l'évolution de la conscience de l'homme. Quand tu assistes à un congrès des Nations Unies, le plafond n'est pas comme ici, c'est du pied du sol. Le plafond, il est haut. Tire un élastique, il ne touchera pas le plafond, il va t'en venir sur le nez bien avant. Plus tu as accès à de l'énergie, à de la conscience, plus l'humain se contente de ce qu'il a, mais il aura besoin de plus. Il y a donc une mutation dans la conscience qui engendre une mutation dans la société, une mutation sociale, qui nécessairement va faire en sorte qu'il y aura plein de jaloux sur la planète, plein de jaloux pour regarder ceux qui montent et pour pouvoir dire que ce sont des villes, des personnes, des ci, des ça. On n'a pas besoin de ça si on veut évoluer. On n'a pas besoin de ça pour être heureux. Ceux qui ne l'ont pas, qui disent ça, là. Bon. Ça, c'est évident. Alors, lentement, il y a un facteur qui apparaît, c'est qu'il y a dans la conscience de celui qui vit, il y a un facteur déterminant, c'est qu'il y a une expansion de conscience. Une expansion de conscience qui va faire en sorte qu'un jour, il va aller dans sa librairie acheter son Bob Moran ou acheter son livre de fesses, et puis à un moment donné, il va regarder, puis il y a un titre qui va l'accrocher, qui va être « Comment réussir sa vie malgré tout? » Là, tiens, il va acheter ça. Ça, c'est une mutation. C'est pas question d'expérience. Il y en a qui passent leur vie à souffrir, mais qui n'iront pas acheter un livre pour s'en sortir. Ils vont acheter de la bière pour oublier. Alors, c'est pas question de dire « l'expérience fait que... » Non. Il y a quelque chose dans l'individu qui fait qu'il prend ce livre-là. Il peut le lire. Bon, « Les pouvoirs de votre subconscient » par un certain Joseph Murphy. Une commutation quelque part. Il y a un collectiviste. À un moment donné, tu l'achètes parce que toute ta gang, elle l'a. Ça va. Mais tu n'appliqueras rien. Tu ne le liras peut-être même pas. Il va rentrer dans ta bibliothèque. Et à un moment donné, tu traverses ces choses-là, tu commences à projeter, tu commences à croire que peut-être qu'au fond de toi, il y a de la puissance. Et il y a peut-être aussi un problème. Et ça, c'est pas l'animal qui fait ça. C'est pas celui qui pose ses boulons et qui gueule parce qu'il y a 3 boulons à l'heure à poser, puis il aimerait avoir 2 pauses café. Puis après ça, il aimerait qu'ils fournissent le café. Après ça, la chaise n'est pas confortable. Puis bon, c'est pas celui-là. Mais à un moment donné, celui-là peut arriver à se conscientiser, mais c'est tant qu'il reste là-dedans, il ne se conscientise pas. Et à un moment donné, de ce livre-là, tu te mets à croire qu'il y a de la puissance chez toi. Tu commences à projeter. Tu commences évidemment à en parler, tu dois convertir, parce que dans le début, celui qui se conscientise n'a tellement pas confiance en lui, parce qu'il y a une parole tellement fausse que chaque fois qu'il ouvre la trappe, c'est pour se médiocriser. Alors, il va en parler aux autres, il va... Bon, après ça, si sa femme, son mari, trouve ça bon, ben là, il est plus sûr que c'est bon. Puis si ses collègues trouvent ça bon, ben il est plus sûr que c'est bon. Tu as besoin de l'endossement moral. Oui. Parce qu'on lui dit, crime, t'as changé, c'est pourquoi? Ah, oh, je le sais pas, c'est parce que depuis que j'ai le livre, parole fausse, il commence par je le sais pas, comme ça, il reste médiocre, puis après ça, il t'explique qu'il sait, mais c'est un truc, il ne sait pas. Bon. Si tu es bon, non, mais quand on essaye, ça marche. Ça. Non, puis après ça, on y va. Ça, c'est l'humain normal qui peut conscientiser la parole fausse, mais à un moment donné, il devra ajuster sa parole un peu plus. Dans son évolution, il finit par essayer le positivisme. Je vais l'avoir. 15 plutôt que 4. Et à un moment donné, à travers le positivisme qui a été lancé il y a une trentaine d'années et qui a fait échec, ça l'a finalement tombé. L'individu qui était négatif, qui voyait le monde en noir, l'a vu en blanc. Et dans la conscientisation, il y aura toujours des êtres humains qui, à un moment donné, vont voir la vie comme elle est. Pas en blanc, pas en noir, comme elle est. Alors là, il y aura un ajustement entre le positivisme, le négativisme et la réalité. Mais à travers cela, il y a des strates dans la conscience de celui qui recherche le succès. Le succès, finalement, c'est simplement d'être capable d'être totalement sans limitation à l'intérieur de nous, ce que nous sommes. Tu veux parler à quelqu'un, tu transpires, tu ne sais pas, tu perds les mots, c'est pas du succès, ça. Tu veux parler à quelqu'un, tu lui parles sans sécrétion endocrinienne. Le cœur accélère pas, il n'y a pas de transpiration, tu ne deviens pas rouge, il n'y a pas de problème de digestion, tu n'as pas aux toilettes, ou il n'est pas trop tard, en tout cas. Et puis, tu peux parler. Tu rencontres ton fils, ta fille, ta femme, ton mari, quelqu'un, puis tu veux lui dire que tu l'aimes, puis tu sais que je t'aime. Mais tu n'es pas pogné. Bon, ça, c'est le succès. Alors, en affaires, c'est la même chose, c'est du succès. L'individu rentre quelque part et puis il veut rencontrer un patron, puis le patron est dans une banque, il est trop occupé, il veut rien savoir. Le représentant, il dit à la secrétaire, bon, ben remettez-lui ma carte, et puis qu'il la regarde au moins. La secrétaire rentre de l'autre bord, et puis lui, il voit à travers les rideaux le bonhomme, puis il rentre, il donne la carte. Le patron, il prend la carte, il a déchiré, il a mis aux poubelles. La secrétaire revient, elle dit, monsieur, un tel ne peut pas vous recevoir. Le gars, il est libre. Bon, ben c'est la seule carte que j'avais, est-ce que je pourrais avoir ma carte au moins s'il ne peut pas me recevoir? La secrétaire, ben là... Tom, ben, il dit, ben là, il veut sa carte, il est la seule qu'il avait. T'es libre. Instantanément, tu t'ajustes. Ben, le bonhomme, il l'a reçu. C'est pas le même choix. Pourquoi? Parce que lui, il est peut-être trop faible psychologiquement. Mais il l'a pas reçu. Ben, il n'y a pas le choix de le recevoir. Il l'a reçu, ils ont jasé. Est-ce qu'il vend, ce qui n'est pas vendu, ça n'a rien à voir, mais on parle de succès. Être libre. Bon, plus l'individu se conscientise, plus il décode ces genres de choses. Il passe de la projection... Et lentement, il découvre la désillusion, c'est-à-dire que ce qu'il envisageait, soit qu'il a visé trop haut, il joue trop haut, il va ajuster son positivisme, parce qu'il est positif dans le positivisme. Le positivisme, il faut que ce soit bon. Alors les positivistes sont positivistes, jusqu'à un moment donné où finalement, il va se rendre compte que ça ça a marché un bout de temps, puis que ça marche de moins en moins. Okay. Si l'objectif est trop haut, si le... ça n'a rien d'être plus positif que qu'est-ce qu'on peut faire, qu'être ouais. réaliste. Alors, lentement, il va changer de livre. Il va dans des librairies, et puis, à un moment donné, il va prendre un livre sur les lois du succès, ou la mathématique du succès, ou comment réussir en affaires, ou comment réussir sa vie conjugale, ou comment éduquer. Il va essayer de devenir psychologue, maintenant. Plus juste croyant dans des forces chez lui, il va maintenant essayer de comprendre des mécaniques chez lui. Tirez vous-même les ficelles, c'est un très bon livre. Il va commencer à lire des choses comme ça. Parce qu'au jour, il va tomber sur un livre que ben des gens ont déjà parlé, que c'est connu comme ça, mais que c'était pas pour lui. C'est peut-être Krishnamurti. Ou Alice Bailey, ou... Ben, des livres comme ça, là. Là, ça me rend pas. Tiens, pourquoi pas? Le troisième œil. Tu regardes dans le miroir, n'a pas. Troisième œil. Ben, ça commence à t'intriguer, ça, là. Là, tu commences à lire ça, puis tu trouves ça idiot, ou tu commences à trouver ça plaisant. Ça ouvre dans ta vie quelque chose de neuf. Mais voilà. Celui qui cherche le neuf, celui qui se plaît dans le neuf, et celui qui risque d'avoir des problèmes avec l'intelligence supramentale dans le succès. Mais il n'y aura pas le choix. Maintenant, il est fait. À l'instant où un humain achète un livre de psychologie dans une librairie, pas parce qu'il est à l'école, là. Il n'y a rien qui l'oblige à en acheter. Sa main s'en va tremblante prendre un livre de psychologie. Il ose même demander au libraire de le déballer. Puis il l'achète. Ou lit, là. Ça dépend. Celui qui prend un livre d'ésotérisme, d'occultisme, de psychologie, celui qui commence à feuilleter un livre sacré, sacré quelque chose, soit la Bible, le Talmud, la Bhagavad Gita, bon, ça n'a rien à voir, qui commence à fouiller, lui, il est fait à l'os, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus maintenant retourner en arrière. Et qu'il est plus dans un engrenage qui ne va que vers l'avant. Ouais, il souffrait moins, maintenant il souffre plus, il a le choix. Il ne peut pas reculer parce qu'il ne dormira pas, il a le choix. La solution n'est plus en arrière, va être en avant. Alors, s'il veut trouver une solution, il va falloir maintenant qu'il fonce. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 50 ans, 2 jours, 2 heures, ça dépend des individus, ça dépend des personnes. Alors, notre personnage, il va donc lire, il va jaser avec les gens pour se rendre compte que finalement, dans son entourage, il y a beaucoup plus de personnes qui étaient intéressées à ça, ou pas nées comme lui. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Je fais de la méditation transcendantale. Ah! À toi aussi! Ah, c'est quoi ton mantra? Ah, comment tu connais ça? Ah, fait 5 ans en pratique. Ah bon? Je t'ai jamais vu. Ben, t'as pas remarqué, je passais souvent 20 minutes aux toilettes. Bon, on se cache. À un moment donné, on se rend compte que ou tu vas aller voir une personne qui est courtier à la bourse, puis tu vas lui demander comment tu fais pour toujours avoir les... Je regarde le clavier, je regarde l'écran, et puis finalement, je teins tout. J'attends. Puis je lis les journaux. Et à un moment donné, je suis sûr que... Tu te fais ton intuition, c'est ça. Ben moi, aussi, je me fais mon intuition. Gars, je suis dans la rue. Tout perdu. Peut-être que tu fais dans ton intuition, puis t'es riche. C'est pas la même intuition. C'est pas la même intuition. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un bonhomme qui veut tellement, qui est tellement pris par ses désirs, que le moindrement que l'intuition commence à fonctionner, c'est ça. Fini là. Puis il y a l'autre, lui, qui arrive à se détacher totalement de la mécanique, puis finalement, il sait qu'il sait. C'est ça. Lui, il n'y a pas d'émotion. Tu vas jouer à Las Vegas, tu vas jouer dans des trucs. Premièrement, tu dois, mettons, tu joues blackjack. Tu joues pas pour gagner, tu joues pour battre le gars. Celui qui sait à l'écart, tu joues pour le battre. Puis toi, tu t'en balances. Puis moi, quand je fais ça, je joue avec l'argent des autres. Fait que là, je dis à quelqu'un, t'as-tu de l'argent à perdre? Oui, il me donne. Là, je m'en vais jouer. Puis vu que c'est pas mon argent, je sécrète pas, je m'en balance à perdre. Puis comme je joue pour battre le gars, je joue pas pour faire de l'argent. Puis je perds pas. Mais ils mettent dehors. Parce que c'est froid. Ça veut dire que les émotions brouillent. Comment les émotions brouillent-elles les décisions? Quand tu commences à te conscientiser, quand tu commences à avoir accès à ce que tout à l'heure on parlait, à savoir avant d'expérimenter, tu es assis et subitement tu recherches une solution à un problème et tu l'as. Soit que tu vas discuter avec quelqu'un parce que bien souvent l'individu est trop faible encore pour être capable de se faire confiance, ou sa parole est tellement fausse que chaque fois qu'il parle, il se démolit. C'est pour ça d'ailleurs que les vendeurs ont besoin d'être motivés quelques fois par année. Ils vivent avec leur parole. Leur parole étant bien souvent fausse, ils se démotivent chaque fois qu'ils vont parler. Et à un moment donné, par la parole, eh bien, je ne connais pas la réponse, tu ne connais pas la réponse, puis on se réchauffe, et à un moment donné, on sort la réponse, la solution. Première mécanique. Et l'autre mécanique, c'est celui qui... c'est vide. Il attend. Il l'a. Prenons l'exemple d'un individu qui t'amène une idée géniale. C'est celui qui a les bonnes idées. Celui qui n'a pas les idées, qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir des bonnes idées? Rien. Aucune idée. C'est ça. Celui qui a les idées, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste communiquer quelque chose qui se passe chez lui. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Ah, il peut se vanter, il peut se sentir, ben bon, la journée qu'il n'aura plus de bonne idée, là, il ne comprendra plus. Avant, il était simplement une bouche qui parlait, ou un crayon qui écrivait, ou des doigts qui pitonnaient. Il sortait des idées. Celui qui se conscientise se pose des questions sur lui. Se posant des questions sur lui, il vient totalement perturber le facteur psychologique à l'intérieur de sa condition. C'est-à-dire que la conscience qu'il avait avant, pour réussir ma vie, c'est d'avoir 1 million, c'est d'avoir une affaire, c'est d'avoir une femme, 3 enfants, un chien, pas perdre mes dents à 50 ans, puis se passer mourir avant ma femme, ou avant mon mari. Plusieurs personnes ont des idées de c'est quoi réussir leur vie. Mais à un moment donné, réussir ma vie, ça ne plus rien de ça, pantoute. Même vivre est une condition que j'accepte parce que je suis là. Certains, je peux boire, je peux prendre des médicaments, je peux me droguer pour oublier, pour cesser de penser. Mais la majorité des gens vont essayer maintenant d'orchestrer leur structure d'affaires dans le but d'apprendre. Je fais de l'argent, ça me permet de voyager. Et le voyage, c'est pas l'animal qui a besoin de voyager. Pas voyager toujours à la même place, à la même chaise, au même hôtel, là. Ailleurs. Lentement, notre individu finit par être assujetti de la conscientisation. Cela veut dire qu'il commence à décoder un peu plus ce que c'est que la vie, ou à se poser des questions. Il commence à se rendre compte qu'il y a lu Krishnamurti, puis Krishnamurti a dit « On n'a pas de libre arbitre. » Là, il s'est dit « Quand j'achète un billet de loterie, c'est pour gagner. Je ne gagne pas. Je n'ai pas de libre arbitre, là. Quand j'ai une crevaison avec mon automobile, j'en veux pas. Je n'ai pas de libre arbitre, là. Quand je rentre au bureau ou au travail le matin, puis que le café est froid, c'est parce que je voulais. J'ai pas de libre arbitre, là. Quand le patron me saute d'en face, ou que les employés revendiquent des conditions de d'autres choses, ou quand ma femme, mon mari ou mes enfants, c'est pas ça que je voulais. J'ai pas de libre arbitre, là. Finalement, j'ai pas de libre arbitre. Il y en a beaucoup qui vont le prendre, qui vont dire, hey, ça a de l'allure, hein, c'est le fun. Bon. C'est tout. Puis à un moment donné, la personne est assise chez elle, puis elle se rend compte qu'il n'y a pas de libre arbitre. Qu'elle ne choisit rien, qu'elle décide rien. Oui, mais là, elle l'avait appris. Là, maintenant, elle le découvre. Elle ne peut même plus bouger sa chaise. Il y en a qui se rendent jusque-là, il y en a qui ne s'y rendent pas, qui vont s'y rendre un jour. Mais à un moment donné, l'individu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il n'a pas le choix de commencer réellement à conscientiser la vie. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la femme? Je travaille, puis je vais mourir. Alors, pourquoi travailler? Ah, ben tant qu'à vivre pauvre, puis mourir, vivre riche, puis mourir, ben autant vivre riche, puis mourir. C'est logique. On va aller au ciel. Qu'est-ce qu'on va les foutre là? On va être assis à la droite du Père. Le Père est tout partout, donc à la droite de tout partout. Qu'est-ce qu'il va le faire là? Je vais être sauvé. De quoi? Je médite. Ça va m'ouvrir la conscience. Pourquoi? C'est ça, des questions neuves avec des réponses pas trouvables? Ouais. Si j'engage un humain à 20 $ de l'heure, dans 6 mois, il va me demander 25. Si je l'engage à 5, dans 6 mois, il va me demander 7. Ils sont tous pareils. Il faut les engager bas. De toute façon, si tu leur donnes ce qu'il faut, ils vont quand même en demander. Pourquoi? Je rentre dans mon automobile, l'hiver, elle ne part pas. Fais venir la remorqueuse, survolte ma batterie, part, m'en va. Une semaine après, elle rentre dans l'automobile, elle ne part pas, tape sur le volant, gueule après le char, maudit l'univers. Pourquoi un jour je suis comme ça et un jour ça ne me dérange pas? Pourquoi suis-je touchable et intouchable? Ou pourquoi l'auto ne part pas? Torieux, je suis un être humain. Je devrais partir. Je devrais démarrer. Je devrais m'en aller. Pourquoi les meilleurs partent avant les autres? Il était si bon, il est parti. Les criminels vivent longtemps, ceux qui font le bien partent avant. Peut-être que Dieu a besoin de beaucoup de monde en haut. Il prend les meilleurs en bas. Peut-être. Peut-être c'est pas ça. Lentement, tu te poses un paquet de questions qui sont absolument, comme qui dirait, idiotes. Pourquoi ça souffre dans le tiers-monde? Puis ici, ça souffre pareil. Mais on a mieux qu'eux autres. Pourquoi il y en a qui naissent handicapés, puis il y en a qui naissent avec des corps physiques d'athlètes? Pourquoi il y en a qui ont des boutons sur le nez, d'autres qui n'en ont pas? Pourquoi il y en a qui ont les ongles que j'aimerais avoir? Pourquoi il y en a qui ont... Bon. Et ce qui arrive, c'est que l'être humain, dans ce confinement de conscience, il va commencer à inconsciemment tout travailler l'événementiel pour que celui-ci réponde ou cache son travail de conscientisation qui, involontairement, se développe chez lui. Alors, ou bien tu essaies de tout transformer l'extérieur pour ne plus voir, ou bien tu voudras transformer l'extérieur pour prouver que tu contrôles, ou bien tu voudras transformer l'extérieur pour être capable de comprendre. Mais inconsciemment ou consciemment, celui qui, le moindrement, commence à se poser des questions, risque de voir, de temps en temps, le succès lui échapper totalement, parce qu'il est maintenant assujetti à de la conscience neuve, de la conscience supramentale, c'est-à-dire qu'on peut parler de la conscience psychologique. La psychologie, c'est la relation entre la mémoire, le désir, l'émotion. C'est la relation entre ça. Alors, je vois une belle automobile, ah ben, elle me plaît, elle est rouge, j'aime le rouge, c'est émotif. Ça fait longtemps, j'en veux une. Ah, elle est plus belle que celle du voisin, c'est le désir. Et puis les mémoires, et bien évidemment, tu sais c'est quoi une automobile, tu sais à quoi ça peut servir, et tout ça au complet te crée la relation psychologique. Tu t'assois dedans, et puis tu dis oui, maintenant elle fait combien au galon? Puis la mentale commence à fonctionner. Pas tous les humains comme ça. Mais l'humain qui se conscientise développe sa sphère mentale, son intellect, mais solide, un intellect qui est capable d'intelligencer les choses. Et là, il va dire, oui, c'est bien beau, mais c'est pas confortable, c'est pas sécuritaire, c'est trop petit, si j'embarque les enfants ou si j'embarque les personnes d'affaires ou le bon, etc. Et puis, il va dire, ben, c'est, j'aimerais bien, mais quand ils en font une comme ça, avec ce que j'ai besoin, je l'achèterai. Là, je vais aller voir ailleurs. C'est le mental. Et il y a celui qui se promène sur la rue, rentre dans un champ concessionnaire d'automobile, rentre à l'intérieur du magasin, va voir l'automobile et lui dit, bon, ben, je la prends. Il y a celui qui se cherche une maison et qui se promène dans les journaux, qui se promène sur la route, et après 6-7 mois, pas trouvé. Puis il y a celui qui n'en veut pas de maison, qui tourne, qui arrête, puis qui regarde, il n'est pas à vendre, il va voir le bonhomme, puis il trouve la maison mauditement belle, puis il dit, « Crime, ce serait pas à vendre par hasard? » Ben, j'avais jamais pensé, mais là, il serait temps que je m'en aille. Ben, comment vous me feriez pour? Discussion, puis 2 mois après, c'est réglé. C'est ça, celui qui touche, puis qui a du succès. Puis c'est celui qui touche tout, puis qui n'a rien qui marche. Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tu te lances dans ta vie. Et là, c'est important, c'est un des points majeurs qui est d'ailleurs reflété par ceux qui se conscientisent et qui gardent leur succès toute leur vie. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a eu. Il y en a, il y en a de plus en plus. La conscientisation, normalement, elle a des symptômes. Tu perds tes amis, tu perds souvent ta famille, tu perds souvent ton emploi, tu perds souvent ta matière, ton argent. Parce que tu ne comprends pas à travers tout le neuf qui t'arrive par la tête. C'est pas juste le neuf qu'on a dans une conférence, dans un livre. C'est les Christi de questions. Parce que c'est facile de dire, pourquoi ceci? Parce que cela. Pourquoi ceci? Parce que cela. Pourquoi ça? Pourquoi? Donc, ça, tu risques de devenir fou, là, bien avant d'arriver à votre... Habituellement, selon les autres, tu es déjà fou. Quand tu es rendu là. Mais tu n'as pas le choix, tu n'arrêteras pas de poser des questions. Alors, il y a donc la structure des formes de loi qui relie celui qui a une conscience supramentale. La conscience supramentale, elle permet à l'humain d'avoir la faculté de savoir tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. C'est simple. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros chariots à mémoire humains qui vont dire, qui vont s'offusquer. Ah, c'est le savoir inné. C'est pas inné, c'est instantané. Inné, c'est quand tu l'as à la naissance ou avant la naissance. Non, c'est pas savoir inné. C'est simplement que tu arrives sur une fourche, tu sais pas quel chemin prendre, bon, si on prend celui-là, puis perds où ce que tu allais. Donc, tu n'es pas perdu. Ça, savoir. L'intelligence supramentale, elle est intelligente, en ce sens qu'elle n'est pas attachée ou entachée ou colorée par les mémoires de l'ego, les mémoires de l'homme. Autrement dit, c'est de l'intelligence active. Elle n'est pas tributaire de ce que tu as appris. Cela veut dire que tu peux dire, oui, mais je le sais pas, moi. L'intelligence supramentale fait que, justement, il y en a qui ne le savent pas et qui vont te le dire. Il y en a qui ne le savent pas et qui vont le faire. Ah, ben, tu vois, j'ai été chanceux. Non, cette fois-là, simplement, tu étais dans la corde d'écouter l'intuition qui t'amenait vers la réussite. Évidemment, il y a une mécanique qui va faire en sorte, une mécanique mathématique qui va faire en sorte que sur 10 essais, tu devrais théoriquement réussir 5, t'en manquais 5. Mais la preuve qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est qu'il y en a qui sur 10 en manquent 9. Ou en réussissent 10. Ouais. Mais la majorité des humains qui manquent, en manque plus que 5. La mathématique, le hasard mathématique n'est pas maintenu. Ce n'est pas une question de 5 réussites, 5 échecs. Il y en a pour qui c'est de l'échec. Il y en a pour qui c'est du succès. Il y en a pour qui une partie de leur vie, ça ne va pas, l'autre partie, ça va. Ah, mais il fallait bien que ça vienne, ça fait 5 ans que ça ne va pas. T'sais, à un moment donné, il fallait bien que ça change. Ce n'est pas pour ça que ça change. Ça, c'est l'ego qui dit ça. Tu te conscientises. Première chose à faire, c'est que si tu veux avoir un succès dans le début, c'est de ne pas rien changer dans ta structure. C'est-à-dire que tu ne dois pas appliquer tes nouvelles questions, tes nouvelles idées à ce que tu fais. Une recette qui marche, tu ne la changes pas, que ce soit familial, au niveau de la santé, quoi que ce soit. Tu commences à te conscientiser, tu es en parfaite santé, en parfaite forme, et puis à un moment donné, tu décides de devenir végétarien. Et tu risques de devenir malade. Il y en a quelques-uns qui ne seront pas malades, il y en a un grand paquet qui le deviennent malades. Ce n'était pas le temps de devenir végétarien. Et il y en a qui sont végétariens, puis à un moment donné, ils devraient manger de la viande. C'est le temps de changer le corps. Le corps décide, c'est pas la psychologie, c'est pas une question de philosophie, la nourriture, c'est une question de corps physique. L'intelligence supramentale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que elle va te donner des coordonnées. C'est-à-dire que c'est très simple. À un moment donné, vous allez faire des mouvements géniaux. On n'a même pas à peine de se féliciter d'avoir fait un mouvement génial, parce qu'on a fait un mouvement génial, puis on a donné même les premiers surpris, donc c'est pas de notre faute. Bon, alors restons calmes, respirons par le nez, et on a fait un mouvement génial. Et il y en aura toute notre vie des mouvements géniaux, parce que, par exemple, tu es en immobilier, des maisons à acheter pas cher et à vendre cher, il y en a tout le temps. Il faut juste que tu les trouves. Mais, pas besoin de chercher, si tu es celui qui devra trouver. Comment être celui qui devra trouver? Je vais donner des moyens qui sont dangereux. Plus on est émotivement appris dans le moyen, plus le moyen va nous amener à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Parce qu'il y a de l'émotion? Parce qu'il y a de l'émotion. Moins il y a d'émotion, plus le moyen est précis. Donc, si on réussit, il ne faut pas s'exciter. Si on a un échec, il ne faudrait pas s'exciter non plus. Ben, si on a un échec, ce n'est pas de notre faute. On a fait ce qu'on devait faire. On a fait au maximum de ce qu'on pouvait faire. Puis si on réussit, c'est de notre faute? Pas de notre faute non plus. On ne regarde même pas. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a fait au maximum de ce qu'on pouvait faire. Ça a marché. Bénéficions-en, oui. Mais se féliciter, à la journée qu'on n'aura plus de succès, on a des problèmes. Alors, c'est préférable de ne pas trop s'en faire avec le succès quand on l'a. Alors, l'individu va prendre des décisions qui sont géniales. Petit génial, c'est évident que si l'ego regarde l'autre, ben moi j'ai acheté un billet de loterie, j'ai gagné 50$, j'ai fait un bon choix. Lui a acheté un billet de loterie, il a gagné 50 000, il a fait un bon choix. Là tu vas te dire, t'as fait un meilleur choix que moi. Ça c'est de la connerie, ça sert à rien de vivre comme ça. C'est l'animal humain, on perd notre temps, on perd de l'énergie, on perd simplement sa vie à faire des choses comme ça. La vie, il faut la faire sérieusement, il ne faut pas se prendre au sérieux, mais il faut la faire sérieusement, on ne peut pas de temps à perdre à faire des choses de même. Et l'individu, quelle que soit sa nature de succès, elle est développable, mais quelle que soit sa nature de succès, s'il y a un succès, c'est que c'est le temps, et à un moment donné, il devra s'asseoir de temps en temps et vibrer quelque chose. C'est problématique ce que je dis quand on n'est pas habitué avec certains mots. Alors je m'assois, je suis dans mon mariage, je suis dans l'éducation, je suis dans ma santé, je suis à un âge mûr, je suis en affaires, quel que soit l'événement. Je dois me poser une question. Suis-je dans l'apothéose ou dans la croissance? Il ne faut pas qu'on soit trop émotif, parce qu'il y a un gros danger. J'ai 25 ans et je me dis, je suis en pleine forme, tu sais, vieillir. C'est comme il faut pour vieillir. On s'en occupe, fais-toi-en pas. Puis si on s'occupe de toi un jour, tu vas te découvrir vieilli. Tu n'auras jamais vu quand. Alors, si tu t'assois, tu fais ta course, tu fais tes haltères, tu fais rien, mais ça respire. À un moment donné, l'autobus, tu pars après, tu fais 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu n'as pas couru. Pas de problème. Assieds-toi et pose-toi la question, suis-je dans l'apothéose? Parce que si tu es relié, si tu es d'un être humain, pas un animal, si de temps en temps tu as le cerveau et le système endocrinien pour te poser des questions neuves, pour de temps en temps, bon, tu te fais voler tes bottes. Puis là, à un moment donné, ta femme te dit, regarde, il y a un clochard là-bas, il y a des bottes comme toi. Puis là, tu dis, ah, bon, du coup, c'est lui qui les a volés, qui les garde, il en a besoin. C'est pas l'animal humain, ça, là. Il y a quelque chose chez toi qui commence à être différent. Et c'est là qu'il y a un danger du point de vue du succès. Alors, à un moment donné, tu t'assois et puis tu dois vérifier si c'est l'apothéose. Je vends un produit, le Big Mac. Ça marche, ça marche. Les gens sont friands de hamburger double, du bonhomme, mais ou les ses enfants, mais en tout cas, ça fonctionne. À un moment donné, la grosse question, est-ce que je suis dans l'apothéose financière, dans l'apothéose de succès de mon entreprise? Ça va tellement bien, puis après, et ça, il n'y a rien à faire, après chaque apothéose, il y a un apocalypse. Alors, tu te dis, mais tout est parfait, parfait, il est le temps de lancer un autre produit. Ça, c'est la bifurcation d'affaires. C'est la bifurcation de santé. Tout va bien, mais il est le temps maintenant que je m'en occupe de ma santé pendant que je suis en santé. Si je vibre, le tant qu'on ne vibre pas l'apothéose, il n'y a pas de danger, on est en croissance. Je mets un nouveau produit sur le marché, que ce soit un produit de service ou un produit matériel. Je suis avec mes enfants, puis à un moment donné, ça va tellement bien avec mes enfants, mais c'est génial. C'est une phase de latence que les psychologues vont dire, c'est-à-dire que là, ils gardent à l'intérieur, puis ils vont tout te défouler ça dans la face à l'adolescence. Est-ce nécessaire? On est bien programmé à accepter ça. On éduque quasiment même les enfants à nous faire ça. Mais en tout cas, on se prépare à les recevoir. Mais si, dans l'apothéose, on la vibre, il est temps maintenant de bifurquer Donc, de changer de façon de fonctionner, de changer de produit, de changer de manière de communiquer. Tous ceux qui sont dans une phase de conscientisation, qui de temps en temps voient surgir chez eux des questions qu'ils n'ont pas entendues, ou qu'ils donnent une valeur énergétique différente aux questions qu'ils ont entendues, plutôt qu'une valeur exclusivement émotive, sont des êtres qui ont présentement ce qu'on peut appeler un ajusteur de pensée, chez eux, une mécanique qui va ajuster la pensée. Il voit le clochard avec les deux bottes et il va dire, « Oh, qu'il garde. » Il a été ajusté dans ce qu'il allait dire, mais c'est quelque chose qui lui appartient. Pour parler, on me dit non, là, puis la personne ne peut penser que des bébites qui sont à l'extérieur. Mais c'est l'humain. Et tous ces individus-là sont donc en phase de conscientisation. La majorité sont en affaires où vibre l'esthétique aristocratique de la vie. Je ne parle pas du snobisme, c'est toujours celui qui copie ou celle qui copie, mais il y a celui qui, à un moment donné, ne se reconnaît pas, a besoin d'un nombre de formes ajustées à la valeur énergétique de sa conscience. Certains diront la valeur de son porte-monnaie, ça se peut, mais la valeur du porte-monnaie est en relation bien souvent avec la valeur énergétique de ta conscience. Tu n'as pas d'argent, mais tu as une valeur énergétique du point de vue de ta conscience, tu es un être humain de valeur. Et tu auras besoin d'un nombre de formes, d'une esthétique. Tous ces êtres humains-là vont être assujettis à un moment donné à voir le succès leur échapper totalement. Pourquoi? Parce que égoïquement, ils se prenaient au sérieux, et ce qui les fait s'accrocher à ce qui devra marcher, de temps en temps, les abandonnent. Qu'est-ce que c'est les abandonnes? C'est simplement comme si tu prends de l'alcool, tu perds la faculté de conscience. On peut dire la conscience t'a abandonné. Mais la conscience, elle t'a pas dit, ah ben tu veux boire? Bon ben, tiens, casse-toi la gueule sur les poteaux, puis tombe à terre devant tout le monde. La conscience ne dit pas ça, c'est une question de mécanique biologique premièrement. Alors l'individu qui est en train de conduire son automobile, qui fume un joint de Marie ou qui en fume un joint à la Giorgio, eh bien, à un moment donné, veut pas, quand il aura fumé son gros joint, il ne sera plus le même. La conscience l'aura abandonné. Quand l'être humain vit du succès et qu'à un moment donné, il perd la conscience de sa valeur, je ne parle pas de sa valeur émotive, de sa valeur égoïque, de sa valeur orgueilleuse. Je parle de sa valeur en tant qu'être humain. Celui qui commence à vanter tous ses succès, c'est lui ce qui a fait ça. Il est tout content de ça. Les succès vont commencer à tomber. Pourquoi celui qui se conscientise, je parle bien, celui qui ne se conscientise pas encore, qui n'est pas dans une phase éveillée de conscientisation, n'est pas attaché ou coloré par les mêmes facteurs de succès. Celui qui vit cela, nécessairement, il devra continuellement vérifier si présentement l'idée, la vie, l'événement, le succès qu'il a est dans sa phase d'apothéose. Si c'est le cas, il devra vibrer pour changer. Celui qui se conscientise est nécessairement enclin, il y aura une période de questions d'une heure après, alors vous pourrez poser vos questions, faire vos commentaires. Celui qui se conscientise, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou pas, il est maintenant assujetti à être guidé par lui, par la partie intelligente de lui. Je ne parle pas de la partie intellectuante, celle qui va intellectualiser à partir des mémoires. Je parle de quelque chose qui peut amener à l'humain des réponses neuves, des questions neuves, une vision neuve, un savoir neuf, conscience neuve. Celui-là, nécessairement, chaque fois qu'il va vivre une régression, on va le couper, c'est-à-dire que son corps physique baisse du point de vue de ce qu'il peut exprimer et il perd le contact, on ne le coupe pas, mais c'est lui qui se coupe, d'un bord ou de l'autre, il y aura une coupure et il va se casser la gueule. Quand une personne vient me voir souvent, il me dit, là, j'ai tout réglé, là, c'est parfait. Tout ce que je peux lui dire, c'est « Fais attention. » Ah non, là, c'est parfait. Là, c'est à peu près quasiment tout le temps après, il vient de se casser la gueule. Alors, le succès au niveau d'intelligence supramentale, c'est que celui qui se conscientise peut réussir. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne doit, on va revenir, il ne doit pas s'enorgueillir de sa réussite et régulièrement doit vérifier.